Bonjour à vous les curieux et les curieuses de Touraine et d'ailleurs. Le fureteur professionnel vous retrouve aujourd'hui en pleine forme. It's me, Mario! Et comme tous les lundis jusqu'à ce que le soleil nous tombe sur la tête, abreuvez-vous de connaissances par les oreilles. Sortez vos bottes, vos loupes et vos boussoles, et c'est parti pour l'aventure! Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble avec nos petites mains de fée la composition du téléphone portable ou du smartphone si vous êtes plus anglophone que moi. Un téléphone, à la base, c'était fait pour téléphoner. Ben ouais, logique. Aujourd'hui, avec mon âge avancé, je pourrais dire qu'il sert presque à tout, sauf à téléphoner. En voyageant dans le temps... C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. Je m'en souviens, comme si c'était hier. J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'accrochais une horloge, la faïence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation. Merci à Graham Bell, qui l'inventa en 1876 à Boston. Et en France, nous n'étions pas si en retard que ça, avec Clément Ader, qui, grâce à ses grandes capacités d'invention, sort le poste mural à combiner en 1880. Et toujours pas de téléphone rose. Le téléphone mobile, lui, arrive dans les années 1950, aux particuliers, car jusque-là réservé à la police et aux pompiers. Il fallait 2 jours d'installation et l'autorisation de la direction de la surveillance du territoire. Le réseau était limité à la région parisienne, donc le reste de la France l'avait dans l'os, comme d'habitude. Et en plus, il fallait passer par une opératrice à cause de l'absence de cadran. C'est dans les années 90 qu'ils arrivent vraiment tels les lièvres face à la tortue avec des téléphones portables qui étaient très gros pour notre époque actuelle. Ils pesaient plus de 2 kilos et étaient très grands, entre 16 et 30 cm de long. Titre. Et, jusqu'à nos sombres jours de 2025, il devient plus petit, plus léger, plus fin et plus performant, avec comme point d'orgue l'arrivée de l'iPhone en 2007 pour dominer le monde. Petit moment rigolo, au siècle dernier on nous parlait du téléphone biodégradable, dans un numéro de Courrier International où non seulement le téléphone portable était réduit à l'état de poussière, mais une fleur poussée à l'endroit où il avait été enterré grâce à une graine implantée dans l'appareil ne poussant que lorsque celui-ci était mis à terre. Rebranchons notre boîte crânienne. Fabriquer un smartphone demande plus de 70 matériaux. 30 à 35% de plastique et de matière synthétique. 15 à 20% de cuivre. 10 à 15% de lithium et autres substances chimiques. 10 à 15% de verre et ou céramique. 25 à 30% de fer et dérivés du fer. 0,5% de métaux précieux et 0,1% de terres rares et métaux rares. Ça fait beaucoup là, non ? Le plastique et la matière synthétique composent généralement la coque. Ils servent d'isolant entre les circuits et protègent le téléphone et ses composants de chocs et des vibrations des mains maladroites comme les miennes. Pour l'anecdote, je fais tomber mon téléphone au minimum une fois par mois. L'écran que l'on touche avec nos doigts sales ou propres, ça ne regarde que vous et votre intimité, se subdivise en 3 couches. Une dalle tactile, une couche de verre et l'écran en tant que tel. La couche de verre se doit donc d'être à la fois transparente, résistante et légère. Celle-ci est majoritairement composée de verre aluminosilicaté, dérivé de l'aluminium qui résiste à l'oxydation et à la corrosion. Nos yeux peuvent également remercier l'yttrium, l'europium et le terbium, car ce sont eux qui créent les couleurs rouge, bleu et verte, tant utiles pour débattre sur la couleur d'une robe sur les réseaux sociaux. Si le boîtier de la batterie d'un téléphone est en aluminium, c'est bien le lithium qui en est le composant principal. Chargé positivement en ion et non en lion, on n'est pas aux os, l'électricité est conduite à travers la solution lithium cell sans tequila pour l'alimenter. L'avantage du lithium est sa grande densité énergétique aussi bien massique que volumique. Passons au circuit électrique, support permettant de relier électriquement l'ensemble des composants entre eux. Il est constitué de divers éléments, des générateurs qui produisent le courant, des courants qui transportent le courant, et des consommateurs qui utilisent ce courant pour la transformer en énergie. Il est habillé de cuivre grâce à sa conductivité électrique et thermique et sa malléabilité. Environ 98% de l'élément cuivre est utilisé sous forme du corps simple métallique ou de ses alliages. En plus, il a le luxe d'avoir de l'or en lui. Il vaut des milliards en or, en dollars. Big Sue. Résistant à l'oxydation et la corrosion, ce métal avec une bonne conductivité électrique est recherché par l'industrie à cause de son inaltérabilité. Il est accompagné du condensateur, petit mais essentiel, stabilisant une alimentation électrique. Au-delà de mes grands-parents avec leurs appareils et de ma mère qui m'entend qu'une fois sur deux au téléphone, le haut-parleur fonctionne bien en temps normal. Il transforme le signal électrique en une onde mécanique, le son. Le signal électrique est réceptionné par une bobine. Ce dernier est ensuite attiré ou repoussé par un aimant, provoquant une vibration de la bobine. La succession des vibrations comprime et détend l'air, produisant ainsi une onde sonore. En alliance avec du fer et du bore, le néodyme joue le rôle d'aimant et permet d'obtenir un champ magnétique important tout en conservant un volume et un poids réduits. Attention, ce n'est pas terminé. le microprocesseur et le cerveau du téléphone. Tout de même un petit peu plus dur que celui du koala. Les koalas sont trop cons. Sa mission principale est de traiter les données des programmes puis d'exécuter les instructions « oui chef, oui chef ». La brique élémentaire qui le compose est le transistor, qui contrôle, stabilise et ou amplifie les signaux électriques qui le traversent. Il est généralement composé de silice dopé au phosphore car plus résistant, plus souple d'emploi et moins sensible à la température. Pas comme Batata qui porte un pull même par 32 degrés en plein soleil. Embarquons dans le grand 8 de la fabrication mondiale du smartphone. On le conçoit aux États-Unis. On extrait et conditionne les matériaux en Chine et en Afrique. La fabrication des composants se fait en Asie, aux États-Unis et ou en Europe. Et l'assemblage dans les usines miteuses en Asie. Un chiffre va vous donner le vertige. On vend environ 1,5 milliard de smartphones chaque année. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million, Armina ? Et oui, c'est impressionnant. Partons du principe que l'on ne peut pas vivre dans un monde infini avec des ressources finies. Et oui, c'est triste de l'apprendre. Avec nos problématiques écologiques et face à autant d'unités vendues, comment recycler ? En faisant de fausses promesses, bien évidemment. Moi, je crois en effet à la transition écologique et environnementale. Et je crois à l'écologie en ce que c'est un humanisme radical. Je crois pas à l'écologie punitive. Certains minerais sous forme d'alliage sont impossibles à séparer et donc à recycler. D'autres, en quantité infinitésimale, coûtent trop cher à être récupérés. Actuellement, il est moins cher d'extraire de nouvelles ressources que de recycler un smartphone. Oh, quel dommage, quel dommage. Pointons aussi du doigt l'ultra-dépendance au secteur minier. L'extraction se fait de manière industrielle dans des pays pauvres peu regardant sur la réglementation et l'écologie. Et il y a aussi de moins en moins de ressources, donc l'extraction est de plus en plus difficile, car on creuse de plus en plus profond. Par exemple, 0,5% de cuivre concentré sur une tonne de matière prélevée, c'est-à-dire 5 kg par tonne. Et l'or, c'est 1 gramme par tonne. Sans oublier évidemment les problèmes humains, travail d'enfant, conditions d'extraction à la limite de l'esclavagisme, augmentation du taux de maladie à cause de rejets polluants, etc., etc. Peut-on arriver à une guerre des métaux rares ? Allez en garde, ma mignonne ! Peut-être. Une grande partie des problèmes tiennent au fait que la Chine a un monopole. En plus de ses avantages naturels, la Chine a en effet accueilli dans les années 80 et 90 l'ensemble de l'extraction et de la production de minerais dont les pays occidentaux voulaient à ce moment-là se débarrasser pour des raisons de pollution, de sous-traitance de l'industrie et de recherche du moindre coût. En conséquence, cette logique de spécialisation minière induit un fort déséquilibre de la production de ces matières critiques. Les terres rares sont un enjeu géopolitique majeur qui se cristallise à mesure que la Chine menace de ne plus exporter les siennes. La question est d'autant plus sensible que notre demande de métaux rares va s'accroître considérablement. Et oui, à vouloir tout électrifier, ce n'est pas sans conséquences. Ce combat se mène aussi sur les territoires africains, les vastes gisements africains de minéraux essentiels tels que le cobalt, le cuivre et le lithium, notamment au Congo, paix au Congo évidemment. L'Afrique détiendra environ un tiers des réserves minérales mondiales, tout minerai confondu. Et c'est une des raisons pour lesquelles les États-Unis et la Chine s'y concentrent de plus en plus et se battent, comme à la vieille époque des colons, à se subdiviser l'Afrique. Et en France, me dites-vous, et en France ? Eh ben, le sous-sol français métropolitain et ultramarin montre un potentiel avéré. Le massif armoricain, les Pyrénées et le massif central possèdent, grâce à leur géologie, un potentiel minier indéniable, tout comme les boucliers guyanais ou la Nouvelle-Calédonie. Le tungstène, l'or et l'antimoine sont les substances minières au plus fort potentiel. Il est fréquent d'entendre que le sous-sol français serait désormais épuisé ou sans grand potentiel. Ben, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas vrai. La France demeure pourtant encore riche de nombreuses substances attractives sur le plan industriel. La géologie du sous-sol est relativement bien connue en surface et à très faible profondeur. À l'échelle de la métropole, mais demeure largement méconnue pour les niveaux plus profonds. En Guyane, la connaissance du sous-sol est relativement bonne le long du domaine côtier et devient très parcellaire pour le reste de la région, notamment près de la forêt amazonienne parce qu'il y a des jaguars et qu'on ne veut pas se faire bouffer. Ce ne sont pas des raisons suffisantes, je pense, pour s'amuser à transformer le pays du fromage en un vrai gruyère. Face à la surabondance de stimuli sur nos téléphones, je vais vous conseiller, pour votre bien-être, de lire un livre avec des pages ou de sortir dehors. Je vous laisse sur ces conseils dignes de Confucius et nous nous retrouverons la prochaine fois pour parler activités artistiques à plusieurs. C'était Théoxérès le Furteur, à la revoyure les amigos.